Jacqueline apprend alors d'une servante quel est l'objet des regards amoureux de Fortunio, l'un des trois clercs. Elle le fait donc venir, et Fortunio se voit chargé de lui acheter secrètement les bijoux dont elle aurait besoin. Fortunio sort, tout étonné de cette nouvelle charge, et Maître André, ayant accepté le rôle de chevalier servant de Jacqueline, l'invite à dîner en même temps que Clavaroche.